Jacqueline Deneuve descendait l'escalier quand elle a vu Gérard Gastaud. Il semblait fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a tué mon chien. Savez-vous qui l'a fait? Non, ce n'est pas moi.